السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد. Donc bienvenue à tous. حياكم الله. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Donc on continue inshallah ta'ala l'explication des paraboles du Coran. Et aujourd'hui, nous allons étudier deux paraboles qui se situent dans Sourate le Tonnerre, donc Sourate Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 17 de Sourate le Tonnerre: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction rapprochée du verset 17 de Surat Ar-Ra'd, de Surat le Tonnerre, il fait descendre du ciel une eau qui coule dans les vallées à mesure de leur capacité. Et le courant charrie une écume flottante, semblable aux scories des métaux, qu'on fait fondre pour réaliser des bijoux et des ustensiles. Ainsi, Allah propose une parabole du vrai et du faux. L'écume est rejetée et ne reste sur terre que ce qui va profiter aux hommes. Ainsi, Allah propose des paraboles. Donc dans ces deux paraboles, il y a l'éclaircissement de la vérité face au faux. Et pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ressembler le Coran à la pluie qui descend du ciel. Car le Coran fait vivre les cœurs, tout comme l'eau fait vivre la terre et les corps. Et il a fait aussi ressembler les cœurs à des vallées. Car les vallées sont les endroits où se trouve l'eau, tout comme les cœurs sont les endroits où se trouve ce que comporte le Coran comme science et foi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, il fait descendre du ciel une eau qui coule dans les vallées à mesure de leur capacité. C'est-à-dire que chaque vallée contient une quantité d'eau selon sa taille. Une petite vallée peut contenir une petite quantité d'eau. Et une grande vallée peut contenir une grande quantité d'eau. Tout comme le cœur. Certains cœurs peuvent contenir une grande quantité de science et peuvent contenir aussi une grande foi, et d'autres peuvent contenir une quantité de science moindre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et le courant charrie une écume flottante. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous informe qu'il y a une écume qui flotte donc sur cette eau. Mais cette écume ne perdure pas. Et elle finit par être rejetée. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit plus loin dans le verset selon la traduction, l'écume est rejetée et ne reste sur terre que ce qui va être, ou plutôt reste sur terre que ce qui va profiter aux gens. C'est-à-dire que cette écume qui se retrouve sur l'eau n'est pas profitable pour les gens. Et elle finit par être rejetée. Et il reste sur terre uniquement l'eau qui est profitable pour les gens, c'est-à-dire l'eau qui est pure. Et les gens se servent de cette eau pour l'agriculture et autre chose. Et donc, ici le Coran est semblable à la pluie. Et le cœur du serviteur est semblable à la vallée. Et donc certains cœurs peuvent recevoir beaucoup de science, et d'autres moins, comme on l'a dit. Tout comme les vallées qui peuvent contenir une grande quantité d'eau, et d'autres une quantité moindre. Et lorsque le Coran et ce qu'il comporte comme science et foi atteint le cœur du croyant, elle rejette les ambiguïtés et les passions. Et ça purifie le cœur du croyant. Ça le purifie des ambiguïtés et des passions. Et donc elles sont rejetées. Et il ne reste que ce qui est profitable. Tout comme ce qui se trouve au-dessus de l'eau, mais qui est rejeté par celle-ci. Et après cela, il ne reste que ce qui est profitable. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que cette écume qui flottait dans l'eau est semblable aux scories des métaux qu'on fait fondre pour réaliser des bijoux et ustensiles. Et donc, comme cela est connu lorsqu'une personne trouve par exemple de l'or ou tout genre de métaux comme de l'acier, de l'argent, etc., après avoir creusé dans les profondeurs de la terre, il y a ce qu'on appelle des scories, c'est-à-dire il y a des résidus qui se sont mélangés à ce métaux. Et donc lorsqu'on trouve par exemple de l'or ou de l'argent dans cet état, c'est-à-dire l'or qui va être mélangé avec des scories, on ne peut pas en tirer profit. Il faut donc le purifier. Et pour ce faire, il faut le mettre dans le feu. Car le feu enlève les résidus qui se sont mélangés donc aux métaux, tels que l'or, l'argent, etc. Et donc après avoir mis donc ce métal dans le feu, il devient pur. Et on peut par la suite en tirer pleinement profit. Donc la conclusion de tout ça est que le feu a purifié l'or des résidus et des déchets, tout comme le Coran. Tout comme le Coran et ce qu'il contient comme science. Car lorsqu'elle atteint le cœur du croyant, lorsqu'elle atteint le cœur du croyant. Attendez, j'ai un message, on dirait que ça a coupé. Attendez. Je crois Il y a un petit problème avec la connexion aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous m'entendez, puisque j'ai reçu un. Je vais mettre un message sur le chat. Taï. Donc je reprends. Donc on disait tout comme donc le Coran. Tout comme le Coran et ce qu'il contient comme science. Donc lorsqu'elle atteint le cœur du croyant, il purifie son cœur et rejette les ambiguïtés et les passions. Et après cela, il ne reste que ce qui est profitable comme foi et science bénéfique. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, ainsi Allah propose une parabole du vrai et du faux. Donc l'éminent savant, Ibn Kathir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il dit à propos de cette phrase, c'est-à-dire lorsqu'ils sont rassemblés, donc c'est-à-dire lorsque le vrai et le faux sont rassemblés, le faux ne perdure pas et ne persiste pas. Tout comme l'écume ne perdure pas en présence de l'eau et les déchets en présence du feu. Fin de citation. Donc ça, c'était concernant donc l'explication de cette parabole. Donc après avoir fait l'explication donc de ces deux parabole, nous allons mentionner quelques enseignements qu'on tire de ces deux paraboles. Donc le premier enseignement qu'on tire de ces deux paraboles, on tire de ces deux paraboles l'un des profits du Coran. Car le Coran, il a de nombreux profits. Parmi eux, la purification du cœur. En effet, le Coran et tout ce qu'il contient comme science et guidée est une purification pour le cœur du croyant. Donc il purifie son cœur. Donc comme on a vu dans l'explication des paraboles, il purifie son cœur des ambiguïtés et des passions. C'est pour cela qu'il est impératif que le musulman ait un lien fort avec le Coran. Donc pas seulement dans la lecture, mais aussi dans sa mise en pratique. Et celui qui s'écarte du Coran et sa mise en pratique, il sera certes touché par des ambiguïtés et le suivi des passions. Et la preuve de cela réside dans le verset 36 et 37 de sourate Az-Zukhruf, donc sourate l'ornement. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 36 et 37 de sourate l'ornement: quiconque reste aveugle au rappel du miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Les démons empêchent ceux qui agissent ainsi de suivre le droit chemin, alors que ces derniers se croient bien guidés. Donc versets 36 et 37 de sourate Az-Zukhruf, sourate l'ornement. Et le Coran servira aussi pour la personne dont le cœur est attaché à certains péchés et qui a du mal à s'en écarter. Et parmi ces péchés, dont beaucoup de personnes, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, ont souvent du mal à s'en détacher, il y a la musique. Et comme vous le savez, la musique est interdit en islam. Et les preuves à cela sont très nombreuses. Parmi celles-ci, nous avons le verset 6 de Sourate Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction, il est des hommes qui, dépourvus de science, achètent des discours distrayants afin d'égarer les hommes du chemin d'Allah et s'en moquer. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, a été questionné concernant ce verset. Et il jura par Allah et dit qu'il s'agit de la musique. Et il répéta cela à trois reprises. Et c'est aussi ce qu'a mentionné Ibn Abbas, qu'il s'agit de la musique. Et ceci est l'avis de la plupart des savants du tafsir, que ce qui est voulu par ce verset, c'est la musique. Et d'un autre point de vue, les quatre imams sont unanimes, c'est-à-dire il n'y a pas de divergence chez les quatre imams, c'est-à-dire l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, ils sont unanimes sur le fait que la musique est interdite. Jusqu'à ce que l'imam Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il fut questionné concernant la musique, comme cela l'a été rapporté. Il répondit: ce sont certes les pervers chez nous qui font cela. Ce sont certes les pervers chez nous qui font cela. Et donc, celui qui veut délaisser donc ce péché qui est la musique, il doit s'attacher au Coran et à sa lecture et aussi à sa mise en pratique. Et s'il fait cela, le Coran prendra alors le dessus, Inch'Allah, sur son cœur. Et la musique sortira de son cœur. Car le cœur n'accepte pas deux contraires. Et il y a une parole très pertinente du grand savant Ibn al-Qayyim concernant cela. Il dit, je cite: et certes le Coran et la musique ne pourront jamais être regroupés dans le même cœur par rapport à ce qu'il y a comme différence entre les deux. Car le Coran interdit le suivi des passions et ordonne la chasteté et de s'écarter des passions de l'âme et les causes de fourvoiement. Et il interdit le suivi des traces du diable. Et la musique ordonne l'ensemble de ces choses. Fin de citation de la parole d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc si celui qui écoute la musique s'accroche au Coran et fait toutes les causes pour délaisser ce péché, ceci sera, Inch'Allah ta'ala, suffisant. Et le deuxième enseignement aussi qu'on tire de ces paraboles, c'est que la vérité triomphe sur le faux. Malgré la propagation du faux, car la vérité est ce qui est profitable pour les gens. C'est pour cela que le prêche des gens de la Sunna perdure. Et ceci me rappelle la parole d'un de nos mashayikh au Yémen, lorsqu'il comparait le prêche des gens de la Sunna au prêche des gens de l'innovation. Et il expliquait que le prêche des gens de la sunna appelés au Coran et à la sunna. C'est-à-dire que les gens de la sunna appellent au Coran et à la sunna. Et les gens de la sunna, lorsqu'ils invitent et appellent les gens à la religion, leur seul but dans cela, c'est qu'ils leur veulent le bien. Et non pas derrière cela un but mondain. Ensuite, après cela, il donna un exemple pour montrer la différence entre le prêche des gens de la sunna et le prêche des gens de l'innovation. Et il a dit que la secte qu'on appelle l'établir, Jama'at al-Tablir, ils ont prêché, donc dans la ville de Adan au Yémen, dans une mosquée pendant 16 ans. Donc ils ont prêché un temps qui est assez conséquent. Mais que malgré cela, leur prêche n'a pas été profitable. Et les gens n'ont pas profité de ce prêche, malgré qu'ils sont restés dans cette mosquée 16 ans à prêcher. Et ensuite, il a mentionné que lorsque les gens de la sunna ont prêché dans la même mosquée où les tablirs sont restés 16 ans, au bout de 2 semaines, après 2 semaines, certains fidèles lui ont demandé d'activer le haut-parleur de la mosquée pour que les femmes puissent profiter de ce bien et pour que les gens en dehors de la mosquée puissent profiter de ce bien. Ensuite, il finit sa parole en disant « Regardez cette immense bénédiction. » C'est-à-dire, regardez cette immense bénédiction qu'il y a dans le prêche des gens de la sunna. Qu'Allah fasse miséricorde à notre cheikh Yassine ibn Ali al-Adani, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et aussi, ça me rappelle l'exemple qu'a mentionné un grand savant de cette communauté, qui n'est d'autre que l'éminent savant Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse, qu'Allah le préserve. Et il mentionna lors d'une de ses paroles que ce que l'on voit en Arabie Saoudite comme bien et comme la propagation du tawhid et l'interdiction du shirk, et qu'aujourd'hui la plupart des gens en Arabie Saoudite connaissent le tawhid et connaissent le shirk, l'une des causes à cela, c'est les livres du grand savant Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, tels que les 3 fondements, tels que les 4 règles, tels que les annulatifs de l'islam, tels que les 6 fondements, tels que le dévoilement des ambiguïtés, tels que le livre de l'unicité, etc. Et tout ça nous montre que la da'wa d'Ahlus Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire le prêche des gens de la Sunna, c'est ce qui perdure. C'est ce qui perdure, et la vérité triomphe sur le faux. Et le troisième et dernier enseignement qu'on peut tirer de ces paraboles, même s'il y a beaucoup d'enseignements à tirer, c'est que les gens sont différents concernant la science. Certains donc peuvent recevoir beaucoup de science et d'autres peuvent recevoir moins de science. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Donc avec ça, on a fini l'explication de ces deux paraboles. Et donc demain, incha'Allah ta'ala, on fera l'explication de 2 autres paraboles qui sont toujours dans surat Ar-Ra'd, donc le surat le tonnerre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.